Le président mozambicain Filipe Jacinto Nyusi a fait parvenir un message de consolation au maréchal Kim Jong-un. Le destinataire a exprimé les consolations au peuple coréen, notamment aux victimes au nom du gouvernement, du peuple et du président mozambicain, à propos des grandes pertes en vie humaine, à l'apparition des sinistrés et à la destruction de l'infrastructure économique et sociale importante et des terres cultivées étendues à cause de l'inondation dans la province du Hangyang du Nord. Il a souhaité la réparation fructueuse et rapide des dégâts au cours de la campagne de 200 jours et a exprimé son respect le plus sublime à son Excellence M. Kim Jong-un.